La troisième. C'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première. Comme dit Gérard de Nerval. 20e séance de la troisième Encore et Encore, la dernière de la deuxième saison. Nous avons prévu de parler donc des quatre discours, notamment, et aussi du discours capitaliste. Alors, Patrick avait déjà fait une séance là-dessus dans le séminaire précédent qui s'appelait L'Homme, où j'étais moi-même caméraman. Donc tu vois ce qui t'attend, Pierrick. T'as fait une ascension sociale. Comme quoi, rapide, bien, rapide. Bien écouté, Patrick, quand même. C'est pas rien. Hein. Donc cette fois, on va essayer d'aller un peu plus loin parce que, en fait, nous parlons de l'inactuelle actualité de Lacan. Donc, comme vous l'avez vu, dans la troisième, mais là, particulièrement à ce moment de notre société, il s'agit de revenir, donc, sur les possibilités qui sont les nôtres, d'essayer d'y comprendre quelque chose un peu plus loin que ce dont on nous abreuve dans les médias et ailleurs, dans la plupart des publications aussi. Alors, dans la troisième, il y a un tout petit passage, petit exergue, qui dit « Ce que je vous ai dit peut pourtant avoir été mal entendu. Ce que je viens de vous dire, entendu de sorte que ce soit pris au sens de savoir si la psychanalyse est un symptôme social. Il n'y a qu'un seul symptôme social. » Chaque individu est réellement un prolétaire, c'est-à-dire n'a nul discours de quoi faire lien social, autrement dit, semblant. C'est à quoi Marx apparaît, d'une façon incroyable, aussitôt dit, aussitôt fait. Ce qu'il a émis implique qu'il n'y a rien à changer. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que tout continue exactement comme avant. Donc, ce petit passage, en fait, nous amène à l'extraordinaire actualité de l'inactuel Lacan, l'intemporel Lacan. Puisque vous, comme moi, suivez peut-être de loin, bien que ce soit de loin, quand même l'actualité, parce qu'on peut difficilement y échapper. Hein. J'ai moi-même jeté ma télé il y a plus de 20 ans, mais je ne peux pas ne pas savoir tout ce qui se passe en permanence, parce que c'est un effet de discours permanent qui vient abreuver tout le monde. Et donc, là, on va prendre un petit exemple. Donc, le congrès de... Donc, il parle de lien social, donc social-socialiste. Nous sommes apparemment dirigés par des socialistes. Et donc, au dernier congrès socialiste de Poitiers, le débat socialiste s'est retrouvé, condensé, le dernier jour, entre Pigas et Macron. Pigas, c'est la banque Lazare. Macron, c'est la banque Rothschild. C'est-à-dire tout ça sous la présidence de François Hollande, qui lui a déclaré, pour être élu, l'ennemi, virgule, c'est la finance. Point. Donc comment peut-on en arriver là? C'est-à-dire, et aujourd'hui, quels sont les moyens qui s'offrent à nous pour sortir de cette impasse? Alors, il y a Jean-Luc Godard, qui de temps en temps a un trait de génie. Là, il a sorti une phrase que j'aime beaucoup, c'est « La gauche et la droite ont été inversées, mais pas le haut et le bas. » Donc, la gauche et la droite ont été inversées, c'est qu'aujourd'hui, en fait, parce que ces gens-là se disent de gauche, et qu'ils sont crédités de l'être, à tort, bien sûr, puisque ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, être de gauche, ils font passer les lois les plus scélérates qu'il puisse y avoir. Donc, je vous passe le mariage pour tous, vous savez mon point de vue là-dessus, notamment sur le déni de la différence sexuelle. Mais là, on va parler de deux lois, très brièvement, je vais juste les énoncer, c'est-à-dire la surveillance, c'est-à-dire n'importe quel policier peut vous mettre sur écoute, indépendamment de la tutelle d'un juge. Donc ça s'appelle un État policier, un État fasciste. Deuxième loi, donc si vous n'avez pas déclaré au préalable que vous n'êtes pas prêt à donner votre corps à la science, à la médecine, si vous arrivez à un accident, on peut vous découper en rondelles et vendre vos organes. Enfin, soi-disant, c'est du don, mais il y a un marché derrière. Donc ça, c'est un État marchand. Si c'était un gouvernement de droite, des mesures comme ça auraient provoqué une descente dans la rue, quelque chose, c'est impossible. Or là, rien. C'est-à-dire qu'il y a un état d'anesthésie générale. D'où vient cet état d'anesthésie générale? Est-ce que on va continuer dans cette direction à être appelé à choisir pour la prochaine élection entre con et con? C'est la question qui se pose, puisque au fond, rien ne change. Alors, comment peut-on analyser ces choses-là? Est-ce qu'il y a une capacité pour nous de nous situer par-delà, justement, les fausses oppositions? Parce que les fausses oppositions, ce sont, par exemple, d'opposer le fondamentalisme religieux à nos démocraties. Mais non, ce n'est pas une opposition, c'est une fausse opposition, parce que l'un est le revers, l'envers de l'autre. C'est-à-dire, si vous voyez le film Timbuktu, par exemple, qui a eu beaucoup de succès en France, enfin, je pense que c'est un film qui est très apprécié, vous verrez que l'envers du système cautionne le système lui-même. On semble entièrement pris dans un discours dont on ne peut pas sortir a priori, comme coincé. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de réfléchir au moins notre situation? C'est-à-dire, lutter, d'accord, mais lutter contre qui? C'est ça le problème. C'est-à-dire que on se rend compte que si on se pose en s'opposant, en fait, on renforce la position de l'adversaire. Et là, le système semble tellement verrouillé que ce qui s'appelle anti-système n'est que quelque chose qui vient nourrir le système lui-même. Donc, justement, on trouve chez Lacan, à la fin des années 60, années 70 précisément, dans l'envers de la psychanalyse, la formulation. Ça, Patrick va vous faire une démonstration la plus pédagogique possible pour comprendre que ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a de la complexité, mais la complexité, c'est ce à quoi nous sommes convoqués. C'est-à-dire, dès que on refuse la complexité, c'est la complexité qui vient nous perturber. Parce que la complexité, on ne peut pas y échapper. Donc, il faut traverser cette complexité. Patrick va essayer, justement, la pédagogie qui est la sienne, de nous donner accès à la logique qui sous-tend ces discours et qui, bien sûr, fait qu'aujourd'hui, les idiots utiles du gouvernement, de la gauche, sont les plus zélés serviteurs du système capitaliste. Parce que s'il n'y avait pas eux, les gens seraient descendus là. C'est impossible en France de se faire fliquer comme ça. Il ne se passe rien. Donc, comment ce discours capitaliste fonctionne? Ça, c'est justement l'apport de la psychanalyse. Alors, la psychanalyse, elle est connue pour sa théorie des discours. Et c'est à travers cette approche-là des discours que nous pouvons peut-être arriver à nous situer différemment, de manière subjective, puisque la psychanalyse ne va pas régler de problèmes individuels. On ne peut pas dire que la psychanalyse, c'est quelque chose qui a un rapport direct avec la politique. Mais il y a un rapport indirect avec la politique. C'est-à-dire que d'abord le sujet, puis le collectif. Donc c'est là où nous sommes convoqués par une critique du discours capitaliste. Et pour pouvoir critiquer ce discours capitaliste, et pour pouvoir lutter efficacement, plutôt que de manière disparate, désordonnée, sur le mode de la plainte et de l'indignation, qui, vous voyez, ne mène absolument nulle part, sauf à fortifier encore l'impasse. Donc, on va essayer de retravailler ça à travers l'approche de Lacan, des quatre discours. Alors, je vais juste terminer avec la lutte, donc, puisqu'il s'agit de lutte, hein, il s'agit de révolution, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la révolution? Pour Lacan, ça veut dire revenir à la même place. Très simple, il ne faut pas s'imaginer que nous sommes dans une espèce de possibilité de création d'un collectif de révolutionnaires ou de comités de salut public ou je ne sais pas quoi. Il s'agit d'abord de questionner les discours. Et alors là, on peut engager la lutte. Alors la lutte, je l'ai mise où? Alors, la lutte a été définie il y a très longtemps. C'est dans Saint-Paul, Saint-Paul de Tarse. Car pour nous, la lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les cosmocrates, cosmocratoras, de ce monde de ténèbres, et contre les esprits mauvais qui sont dans les cieux. Qu'est-ce que c'est que les cosmocrates ou les esprits mauvais qu'il y a dans les cieux, si ce n'est les discours dans lesquels on est pris, par lesquels on est abreuvé, et dans lequel, c'est la grande découverte de la psychanalyse, notre sujet lui-même est déjà pris. Parce que pour la psychanalyse, donc dans la droite ligne de la découverte hegelienne, ce n'est pas le sujet qui tient un discours, mais le discours qui tient un sujet. C'est-à-dire que c'est par le discours que s'appréhende la place du sujet. Et dans chaque discours, il y a une éthique. Et aujourd'hui, toutes ces choses-là nous semblent absolument inaccessibles, alors que nous avons les textes, nous avons la capacité de nous situer beaucoup plus précisément, justement, dans notre époque, par rapport aux avancées de Lacan qui sont extraordinaires. Nous avons les outils. Donc voilà, j'ai fait ma première introduction. D'abord, je vais vous simplement vous indiquer une précision de Lacan pour dire comment il procède, justement. Comment il présente ce qu'on appelle des inventions. Pour lui, on ne fait aucune création ex nihilo. Par exemple, on ne construit pas des nouilles autour d'un trou. On fait la nouille et il y a le trou au milieu, comme on fait un vide, on fait un vase et c'est le vide se constitue du vase qui a été fabriqué. Alors par exemple, lui, son objet Ptita, là, c'est la seule invention qu'il revendique comme étant la sienne. Donc on peut toujours aller chercher chez les différents auteurs de toute notre histoire de la pensée, des précurseurs, de gens qui ont avancé des choses qu'on retrouve effectivement dans le texte de Lacan, comme probablement dans le texte de chacun de nous quand on parle des choses. On véhicule avec nous du fait qu'on est pris dans des discours qui nous précèdent et qui nous surdéterminent, on manie des choses qu'on appelle parfois des préjugés ou des concepts qui viennent de notre histoire, et c'est comme ça. Il dit que, par exemple, Marx a découvert la plus-value, par exemple. Et il ne l'a découvert, qu'il le définit comme étant le travail en trop, le travail qui n'est pas payé aux travailleurs, justement, et qui permet, par accumulation, de constituer le capital. Mmh. Bon. Il dit que Lacan, Marx l'a découvert tout simplement parce qu'il a développé lui-même, comme tu l'as dit, c'est lui qui a articulé le discours capitaliste, et Lacan précise que c'est pour ça qu'il va lui assurer une très longue survie. Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas très optimiste pour changer le système du fonctionnement, parce qu'il dit que c'est un discours particulièrement astucieux, et qui marche tout seul en plus. Ça n'a jamais été fait. Avant, il fallait s'y mettre, là, ça marche tout seul. Et alors, Lacan ajoute que pour ce qui concerne lui, il a fait une assimilation entre la plus-value de Marx avec son objet Ptita comme plus de jouir, il les met en même temps, tout simplement parce qu'il a fait goder, il dit l'expression, de la plus-value pour inscrire à l'intérieur son fameux objet Ptita comme plus de jouir. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est parce que les discours sont parfaitement élaborés qu'il ne s'agit pas de chercher, c'est pour ça qu'il adopte d'ailleurs la formule de Picasso, « je ne cherche pas, je trouve », et c'est ce qu'il a mis en application toujours au cours de sa vie, et vous verrez que dans la monstration que je vous ferai de ce montage, c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'à un moment donné, le discours est tellement bien élaboré qu'on trouve une perle par terre. Là, on trouve un truc, et c'est ça, c'est une pierre qui a été bien polie par les discours précédents, que quelqu'un trouve, il peut dire qu'il l'a découvert, mais il le trouve, et qu'il peut, à ce moment-là, le transférer dans son propre discours. Alors, je vais maintenant vous faire toute la... la monstration de la façon dont Lacan élabore sa notion des discours. C'est pas difficile, vous verrez, parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre ça par cœur. Quand vous aurez compris le mode de raisonnement, ça vous sera très facile pour vous-même de le reconstituer à l'occasion. Ça prend du temps, on y revient. Moi, je reviens toujours dessus pour m'y retrouver. Donc, vous allez voir, c'est pas très difficile. Il parle quand même d'une première définition qu'il donne. Alors, je regarde un peu les références parce qu'il faut que vous les sachiez un peu, que je puisse vous les dire. La première fois qu'il utilise cette fameuse formule qu'il faudra illustrer éventuellement, que le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas, il fait cette découverte et il en parle en 1960. C'est-à-dire à peu près dans un congrès à Bonneval, où c'était un exposé public qui a été ensuite mis en texte par lui-même, qu'il a reproduit lui-même. Bon, déjà là, il met cette définition très importante, parce que c'est une définition qui n'est pas une définition du sujet, mais qui est une définition du signifiant, et en plus de ça, une définition du signifiant qui ne correspond plus à la définition de Saussure et qui ne correspond plus non plus à la définition de Jacobson, que Jacobson reconnaît comme étant une définition pertinente du signifiant, pas du sujet. Il n'y a pas de théorie du sujet chez Lacan. Il y a une théorie du signifiant, mais pas du sujet. C'est très important à noter. Voilà la matrice de ce qu'il appelle, lui, une structure quadripartite qui est exigible depuis la découverte de l'inconscient pour pouvoir faire une ordonnance subjective. C'est pas très compliqué, ça, hein, à entendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le signifiant S1, un signifiant, l'insignifiant, représente le sujet barré, comme ça, c'est un sujet, en fait, qui est un trou, en gros, hein, et qui est figé dans le signifiant maître. Donc, il disparaît. C'est là que se passe le refoulement originaire. Et puis, auprès d'un autre signifiant, qui est le S2, lequel ne représente pas le sujet, justement. C'est-à-dire que le sujet, il est en fadine, ici, il est refoulé, et de l'autre côté, il y a un reste dans l'opération signifiante qui est à la fois produit par l'opération signifiante sur le réel et en même temps qui lui échappe. C'est ce que Lacan appelle l'objet petit a. Hein, voilà. Alors, maintenant, je vais passer à cette construction des quatre discours qu'il a produit au tableau en 70 dans le séminaire qui s'appelle « L'envers de la psychanalyse ». Il les a mis au tableau, comme ça, sans aucune explication. Il les a commentés, mais il n'a pas expliqué comment il en était arrivé là. Ce n'est qu'après coup, probablement, parce qu'il s'est rendu compte que les gens avaient beaucoup de mal à suivre, parce qu'à chaque fois, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de discours ? On a du mal à piger ça. Ce n'est qu'en 72 qu'il en a donné la clé, à l'occasion de son séminaire de Houpire, qui s'appelle une leçon qui s'appelle « Sur le savoir du psychanalyste ». Il a montré comment ça se passait. Alors, structure quadripartite. Il parle, bien sûr, de ce qui est l'outil de la psychanalyse, son moyen, c'est-à-dire de la parole, parce que c'est effectivement une pratique de parole. Et contrairement à ce qu'on pense, je crois que Lacan ne privilégiait pas tellement ses écrits, contrairement à ce qu'on imagine. Hein. Je pense que ça a toujours été un tenant de la parole, et son séminaire, c'est un séminaire oral sur lequel il ne revenait jamais. Ce sont les suivants qui en ont fait des écrits et qui, évidemment, peuvent effectivement avoir des effets de résistance par rapport à la psychanalyse comme pratique, qui est une pratique de la parole. Alors, il dit que Il commence la chose suivante, il dit que la parole est la seule forme d'action qui se pose en termes de vérité. Il n'y a de vérité que dans la parole. Parce que le vrai et le faux dans la logique, ça n'a rien à voir avec la vérité, ce sont des valeurs de la logique. Hein ? Une parole, quelle qu'elle soit une parole d'amour, qu'elle soit une parole de commandement, qu'elle soit une parole de plainte, par exemple, elle se fonde toujours sur une vérité et elle part d'un lieu qui est le lieu de la vérité, d'un pôle de vérité. Et comme elle est parlée, de ce lieu de vérité, qui est une place particulière, se déploient deux vecteurs. Un vecteur qui est ce qu'on appelle le semblant. Alors ça, c'est pas, ça ne veut pas dire pour Lacan faire semblant, ça veut dire que c'est le signifiant dont il s'agit. Donc il y a un versant du signifiant dans la parole. Quand je vous parle, vous entendez des signifiants, c'est ça que ça veut dire. Et ça parle du semblant, mais il utilise un terme un peu plus tard qui s'appelle la matérialité du signifiant. C'est-à-dire qu'il insiste beaucoup plus sur la sonorité que provoque le signifiant plutôt que sur sa graphie, hein, sur son sens. Vous verrez qu'il fait des nuances entre le sens et la signification, et entre ce qu'on appelle le sens en topologie et ce qu'on appelle le sens dans nos discours courants habituels. Bon, donc, un pôle du semblant, et puis un autre pôle qui est un pôle de jouissance, c'est-à-dire que quand on parle, ça jouit, on jouit de parler. C'est ça que ça veut dire. Et but de l'enfin, effet de cette opération de la parole, il y a un reste, toujours ici, qui est un produit que Lacan va appeler l'objectita, qui sera un plus de jouir. D'un côté une jouissance, et de l'autre côté un produit qui est un reste. Un reste qui signifie que la jouissance, elle a été quand même entravée, elle a été barrée par l'opération du signifiant. Voilà ce schéma. Donc vous avez déjà la construction d'une petite machine où il y a quatre termes. Place de la vérité, place du semblant, place de la jouissance, place du produit. Alors c'est très important, l'histoire de la place, parce que ça veut dire que c'est fondé dans le réel, pour autant que ce sont des places qui reviennent toujours à la même place. C'est-à-dire que c'est en référence avec ce qui se passait du temps de Platon, on se repérait dans le réel par rapport aux astres qui revenaient toujours à la même place. Par la suite, on a eu d'autres repérages du réel qui revient toujours à la même place, puisque c'est venu dans la logique, ensuite dans les lois de la gravitation, puis dans tout ce qui a été inventé depuis pour signifier que le réel, c'est ce qui revient toujours à la même place. Et dans toutes les disciplines un peu sérieuses, on cherche ce repère qui n'est pas toujours facile à trouver. Donc voilà, quatre places distinctes radicalement dans l'espace où nous vivons, qui est un espace à trois dimensions. Alors, on va passer au juste dire une illustration de ça pour que ce soit vraiment très très simple, c'est-à-dire que vous êtes un corps parlant à partir du moment où vous parlez, mais même si vous ne parlez pas, le fait d'être parlant va vous diviser, puisque votre corps lui-même va, votre parole, la possibilité de la parole va aller du côté d'un semblant qui vous représente. Quand vous parlez pas, vous ne parlez pas au nom de vous-même, vous parlez au nom de votre identité symbolique. C'est-à-dire que c'est pas ce que vous appelez comme ci et comme ça que vous parlez, c'est en tant que vous êtes inscrit dans une chaîne symbolique. Donc première division entre un semblant, c'est-à-dire un signifiant qui parle à votre place, vous n'êtes pas votre nom. Vous êtes divisé avec votre nom, puisque votre corps, il est quelque chose qui résiste à ça, à l'emprise totale du signifiant. Et la jouissance que vous prenez dans la parole. Donc, à ce moment-là, la vérité va tout de suite se diviser entre le semblant, le signifiant, je parle au nom d'eux, et la jouissance, j'éprouve une jouissance du corps à parler, puisque si je n'ai pas de corps, il n'y a pas de caisse de résonance de ma propre parole. Évidemment, il va avoir un reste, c'est que le corps lui-même est quelque chose qui chute, un produit, qui est mon propre corps au départ, mais vu comme un excrément, c'est quelque chose qui vient en trop dans le truc. C'est comme dans une anecdote que raconte Hitchcock à Truffaut, où il montre une chaîne de montage de voitures, un truc parfaitement automatisé, c'est vraiment la chaîne signifiante, en quelque sorte, toutes les voitures s'assemblent, etc. Et au dernier moment de la chaîne signifiante, Hitchcock ouvre la portière, et là, on tombe un cadavre. C'est-à-dire, c'est le corps en trop. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tombe par rond dans le truc. Voilà. C'est juste pour bien vous... En plus, par rapport à ce que tu avais dit la dernière fois, quatre, c'est parce qu'on a quatre points cardinaux. C'est-à-dire qu'on a toujours... Il y a quatre positions, hein, le nord, le sud, l'est. Donné, ça. Ouais. Et donc, dès qu'on parle, c'est qu'on est posé pour parler. On est posé quelque part, on a un corps pour parler. Voilà. C'est pour ça que ça paraît très abstrait, mais en vérité, il n'y a rien de plus concret que ça, que la psychanalyse, que cette approche du discours, avec la limite qui est la sienne, parce que Lacan, évidemment, après ça, il va travailler jusqu'à la compression du symptôme et du fantasme qui a donné le symptôme à la fin, et ce qui résiste au discours. Mais ça n'invalide pas la pertinence du discours et la justesse dans le réel. Parce que vous allez voir, vous pouvez analyser n'importe quelle situation, notamment sur vos propres dires, à partir de cette matrice-là, et la manière dont chacun de nous, parce qu'on ne s'exclut pas, nous sommes pris dans le discours capitaliste. Et qu'on n'a pas, d'autres possibilités aujourd'hui pour penser la situation, de revenir là-dessus et de penser à partir de ces outils-là qui sont indépassables, hein, puisque il y a une logique extrêmement puissante derrière. Alors, retenez bien ici l'histoire de la vérité. Que la parole fonde un fait réel ou pas, c'est la même chose. Ça, c'est très important. Qu'elle dise vraiment une vérité ou qu'elle soit menteuse, c'est également la même chose. Le problème, c'est que quand quelqu'un parle, ce qui est vrai, ce qui est la vérité pour lui, c'est qu'il l'a dit. Je te le fais pas dire, voilà. C'est ce qui se passe dans l'analyse quand on fait une interprétation à un sujet. Je te l'ai pas fait dire, ça. Tu l'as dit, et c'est ça qui est ta vérité. Ça veut pas dire que ce soit un fait réel fondé. C'est la même chose dont Freud parle en disant qu'au fond, le rêve, c'est très important, parce qu'on lui disait, oui, d'accord, vos patients, ils rêvent, ils vous racontent vos rêves, mais peut-être que c'est plus tout à fait le rêve. Freud, il dit, mais ça n'a pas d'importance, même le commentaire a autant de valeur que le rêve. C'est pareil pour le souvenir écran. Le souvenir écran, il a autant de valeur que le fait réel qui s'est produit dans la vie d'un sujet pour que ça se fixe en un souvenir écran, un souvenir traumatique qui est devenu écran. Vous voyez, ces choses-là, c'est des dimensions comme ça. Alors, première étape, construction de cette fameuse structure quadripartite dont c'est l'origine, à partir de la fonction de la parole, et vous allez voir que il va l'écrire, ça, c'est ça qui va se passer. L'opération, c'est qu'il va sortir de la dimension de la parole pour fixer dans le réel la structure quadripartite dont il cherche à démontrer l'existence. Il nous dit que dans l'espace à trois dimensions dans lequel nous habitons dans l'espace cartésien à trois dimensions, c'est-à-dire dimension de volume, on ne peut situer que quatre points et pas plus à égale distance les uns des autres. C'est-à-dire, ça introduit une règle d'écriture, parce que dès qu'on se met à écrire, dès qu'il y a graphie, il y a orthographie, c'est-à-dire cette loi qui s'impose, qui fait que donc dans un espace à trois dimensions, on ne peut mettre que quatre points à égale distance les uns des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces points-là, qui vont être tout à l'heure, enfin je vais le montrer, habités par des lettres différentes, on les prend comme des places qui sont absolument équivalentes. Équivalent en mathématiques, ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais ça veut dire que ça a la même valeur. Hein. C'est très important ce terme-là. Et pour respecter l'équivalence de ces points-là où vont venir se poser des monades, c'est-à-dire des 1 chacun équivalents parce qu'ils sont radicalement différents les uns des autres, il y a une différence absolue entre eux, c'est comme ça que ça va se passer. On ne peut construire donc ce qu'il appellera là, on peut en construire que 2-4 points équivalents à égale distance les uns des autres, et on peut en construire que 2, soit un qui serait celui-là où la pointe est en arrière, soit celui est en avant. Vous voyez, il y a un effet de perspective qui s'impose à vous, et c'est ça qu'il va nommer ça d'un mot qui n'existe pas encore dans la langue, il l'appelle un tétrapode. Alors je sais qu'en médecine, maintenant, tétrapode, c'est les cannes spéciales qu'on donne à des gens avec trois pieds. Mais c'est pas ça pour Lacan. C'est un mot qui n'existe pas, et il dit, c'est un bâtard entre un terme latin et un terme grec. Il a cherché à son but qu'on l'éclaire là-dessus. Alors voilà, il met un mot, tétrapode, il y a trois points, trois pôles, on pourrait dire ça comme ça. De temps en temps, il l'appelle tétraèdre, parce que de temps en temps, il se... Et voilà, les voilà, donc... Je n'insiste pas pour ne pas compliquer les choses, parce que la construction suivante va nous permettre d'avancer. Il y en a un qui est considéré comme l'évogiron, pour le parcourir, on le parcourt dans un certain sens, et un qui est l'évogir dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais ils sont équivalents, seulement évidemment, il y a l'artifice de la mise à plat qui fait que ça se lit autrement. Voilà. Hein. Alors, donc, exigence. Je suis là, voilà. Exigence absolue. Je dois faire une construction. On voit pas mieux celui-là. Bon, c'est pas grave. Voilà, exigence, il faut que j'oriente mon fameux tétrapode. Je l'oriente tout simplement parce que si je considère qu'il est dans le réel de l'espace que nous habitons, eh bien, le réel, par définition, il est orienté. Hein ? Vous n'avez qu'à le regarder. Par exemple, les lois de la gravitation nous imposent une certaine orientation dans l'espace. Nous avons des corps asymétriques. Donc, on voit, il y a des courbures de l'espace. L'orientation, c'est ça ce que Lacan appelle le réel hors sens. C'est pas le réel hors signification, ça veut dire hors sens, au sens où on l'utilise classiquement dans nos ouvrages habituels. Mais l'orientation est nécessaire. Alors, pour l'orienter, il va falloir que, puisque chacun des pôles est à une distance équivalente à des autres, il va falloir les relier par des vecteurs. Hein ? Oublier, orienter. Il faut l'orienter. Vous voyez ce que ça veut dire. Et il va aboutir à la chose suivante, qu'on voit difficilement là, mais tant pis, on va le voir quand même. Sinon, je vais donner celui-là, à côté peut-être. Au-dessus, je vais le mettre à côté. Hein. Oui, voilà. Je vais partir du pôle 1. Le pôle 1, c'est celui de la vérité qui est ici. Hein, je l'ai mis qu'un chiffre. Le pôle 1. Du pôle 1, je l'ai mis comme ça, je ne vous montre pas le raisonnement, parce que comme je sais que c'est comme ça que ça s'oriente, je les ai remis là pour vous faciliter les choses. Il ne peut partir que deux vecteurs et en arriver un seul. Premier pôle. Deuxième, si je vais au pôle 2, comme je les ai orientés, parce que je sais qu'il s'est orienté, il peut partir un seul vecteur et il y en a deux qui arrivent. Hein ? Au pôle 4, il y en a un qui arrive et deux qui partent. Et il fait le tour complet de ça, ce qui lui permet de mettre, comme vous le voyez écrit ici, au pôle 1, il y en a deux qui partent et un qui arrive. Au pôle 2, il y en a deux qui arrivent et il y en a un qui part. Au pôle 3, il y en a deux qui arrivent, un qui part. Et au pôle 4, donc vous voyez qu'il y a une symétrie entre les pôles 2 à 2. C'est-à-dire qu'on respecte la dimension l'évogir et d'extrogir de la chose. C'est simple, non ? Ça vous parle un petit peu ou pas ? C'est de la logique. Hein. C'est de la contingence et de la logique. C'est tout. C'est simplement dire qu'il y a une symétrie entre ces points. Entre le point 1, qui est ici point de départ, et le point 4, vous voyez bien qu'il y a une symétrie entre eux. Hein ? Ils sont opposés deux à deux. Et là, c'est pareil. Il y en a deux qui arrivent et un qui part. Ça, il instaure une... Ce tétraède devient asymétrique du point de vue de son orientation, l'évogir ou d'extrogir, mais du point de vue de sa construction logique, il a gardé sa propriété d'équivalence entre les quatre pôles. Vous le pigez ça un peu, ça paraît ? Ça, c'est des choses qui vous êtes très faciles à reproduire une fois que vous aurez compris cette règle. Écoutez cette règle-là, parce que c'est des constructions purement logiques, ça. Ça ne dépend pas de l'explication, on ne peut que l'admettre. C'est comme ça, et vous pouvez le vérifier chaque fois que vous avez affaire à ça. Seulement, il y a une chose qui se complique maintenant, enfin qui se complique, on ne peut pas le dire, mais dans la mesure où j'ai écrit ça comme ça, j'ai fait une mise à plat. Donc, dans la représentation que j'en donne, je suis obligé de respecter une règle qui fait que cette flèche-là est mise en pointillé, et la mise à plat ne me montre que ça, hein, me montre que le schéma d'origine que j'avais là, vous voyez, en haut. Ça ne montre que ça. Ça, c'est parce que du 4 à la vérité, en fait, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que la vérité, origine de tout discours, de toute parole, c'est un point sur lequel on ne revient jamais quand on parcourt cette structure quadripartite, parce qu'on la parcourt, on ne peut la parcourir que comme ça. On ne revient jamais à l'origine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez dit un truc, vous l'avez dit, et c'est irrévocable. Vous pourrez, une fois suivante, dire un peu autre chose, et vous aurez fait oublier ce que vous avez dit avant, mais c'est irrévocable dans votre histoire à vous. C'est ce qui se passe dans les cures, en gros. C'est-à-dire que des sujets ont dit des choses dans leur séance, mais ils les ont oubliées, ils les ont recouverts d'autres termes par refoulement. Et évidemment, ils sont surpris le jour où l'analyste, à l'occasion d'une nouvelle énonciation, fait intervention, coupure, interprétation, qui le renvoie effectivement au terme qu'il avait utilisé avant, qu'il n'est pas forcé d'ailleurs de retrouver lui-même, mais ça a des effets dans sa structure, tels que ça produit ça fait bouger les choses. C'est-à-dire que dans l'interprétation de l'analyste, il ne s'agit pas que le sujet comprenne, il s'agit que ça produise des effets de déplacement de sa position de sujet par rapport à la structure des discours qui le détermine. C'est une façon, au fond, la cure, qui en passe par la parole, d'extraire la parole d'un sujet dans sa singularité absolue par rapport au discours dans lequel il est pris. C'est ça que ça veut dire. Et rectification des rapports du sujet au réel. Voilà. C'est ce qui s'appelle effectivement en cours de route rectification des rapports du sujet au réel. Tu te plains, Freud dit Adora, que ton père et sa maîtresse te baladent un peu partout, mais au fond, tu y es pour quelque chose. Et elle acquiesce. Elle est d'accord avec ça parce qu'au moins, il y en a un qui lui dit qu'elle compte dans le duo entre le père et la maîtresse. Elle compte là-dedans. Alors que la plupart du temps, on dit, bon, toi, tu es un enfant, on verra quand tu seras plus grand. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Arrivé maintenant, donc, j'en suis où, là ? Ici. Donc, vous avez... La matrice est installée, je la remets là, ici, quand même. Cette matrice est installée, ici, et elle est là. Je vais maintenant... Comment je vais faire ? Ah oui, je vais utiliser celle-ci que tu n'avais pas. Ah si, tu l'as. Voilà. Tu la mets, voilà. On a installé la matrice. Maintenant, on va nommer les différents pôles. Qu'est-ce qui occupe ces places ? Là, c'est devenu, c'est plus de la parole dont il s'agit, c'est un discours sans parole, parce que c'est un écrit, ça. La parole, elle est derrière, mais on en parle plus, c'est un discours sans parole, c'est ce que veut obtenir Lacan. C'est ce qu'il appelle un mathème, le mathème dans l'espoir de l'intégralement transmissible de ce qu'il pensait de la psychanalyse. Il est revenu dessus par la suite, mais c'est ça. On revient ici, au pôle de la vérité, point d'origine. Au pôle du semblant, il installe ce qui va être l'agent du discours, qu'il va désigner comme étant, puisque c'est un agent qui agit dans le discours, le désir. Voilà, il donne ces types de nominations ici. Au niveau de l'autre, qui était là, il va installer, bon, au départ, la jouissance. Il va y installer également le savoir qui est dans l'autre. Il y a un savoir dans l'autre qu'on ignore, pourquoi pas, c'est ça. L'autre, le grand autre, comme il l'appelle, l'autre du langage, l'autre de la parole, l'autre absolu qui est différent de vous, et le travail, il va y mettre le travail également, parce que c'est un savoir qui est au travail, c'est-à-dire que même quand vous dormez, ou même quand vous êtes en vacances, votre inconscient, il continue à travailler. Et c'est pour ça que Lacan désigne le rêve comme étant le travailleur idéal. Il travaille tout seul, tout le temps, il ne s'arrête jamais. C'est pour ça que d'ailleurs les analystes sont très réticents quand ils voient leurs analysants vouloir partir en vacances. Parce que pendant que les analysants partent en vacances, l'analyste, il continue à travailler dans le transfert. Puisque le transfert dans la cure, contrairement à ce que racontent beaucoup d'autres écoles, ce n'est pas forcément le transfert de l'analysant, c'est le transfert de l'analyste, c'est lui qui transfère, C'est lui qui transfère. D'ailleurs, l'indication de la flèche n'est pas là par hasard. C'est que l'analyste, tenant lieu tenant lieu du savoir inconscient du sujet, je vais y arriver, en fait, c'est lui qui est au boulot et qui transfère sur l'analysant et qui dépend, lui, l'analyste, de ce que lui dit l'analysant. Hein ? Donc il faut bien rectifier cette chose-là. C'est pas souvent avancé par les analystes qui ont plutôt tendance à se mettre en position de maîtrise, mais c'est ça dont il s'agit. En tant qu'analyste, l'analyste ne peut savoir que ce que lui dit le sujet. Voilà. Et à partir de ce qu'il lui dit, repérer sa place dans la structure. Et à condition que l'analyste respecte ce que l'autre a dit, ne lui en rajoute pas. Hein. C'est ce que l'autre a dit qui compte. C'est-à-dire que quand l'analyste se trompe et que l'analysant se plaint, éventuellement, c'est aux frais de l'analyste. Il faut que l'analyste accepte. Il y a une façon de faire, il ne peut pas dire à chaque séance « Ah ben oui, je me suis trompé quand même hein, ». Il faut quand même qu'il fasse un peu attention, mais d'une façon générale, il doit reconnaître que c'est assez frais. C'est assez frais que ça doit se passer, ce truc. On en arrive donc à cette idée qu'au fond, on a cette fameuse... Alors oui, je l'ai pas... Alors je vous sens... Et ça, c'est le quatrième terme, donc le produit, ça s'appelle, ici on a mis production, mais c'est aussi le produit, je ne l'ai pas mis là, qui est le fameux plus de jouir. Le plus de jouir, c'est que même si le signifiant a fait barrage à la jouissance, il vous en reste un petit peu quand même que vous récupérez. Hein, il y a un petit gain, quoi. C'est le fameux, le plus de chez Cartier par exemple. Il y a un petit plus. Quand vous allez acheter des produits Cartier, le parfum, il y a un petit plus qui est simplement le mot de Cartier, simplement, c'est ça, que vous montrez. Ou alors quand c'est la perte, c'est à entendre le plus de jouir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de jouissance. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'ambivalence sur le plus et le plus. Alors le gain de jouissance qui représente la perte, c'est que dans la cure, vous allez enfin pouvoir perdre ce que vous aviez perdu. Au lieu d'être mélancolique, vous allez enfin accepter qu'il y a un manque et qu'il faut accepter de le perdre, c'est-à-dire apprendre à savoir y faire avec. Parce que si vous refusez de le perdre, si vous voulez constamment chercher à le combler, votre perte, ben vous devenez mélancolique, vous vous déprimez et vous vous angoissez, puisque quand le manque manque, ben on est angoissé. C'est la définition de l'angoisse. Si là où il y a un vide, vous devriez le rencontrer, ce vide, donc être un peu tranquille, il y a des loups à la place dans la forêt, vous avez peur, vous êtes angoissé. C'est ça que ça veut dire, hein, en gros. Voilà, donc on a maintenant cette matrice. Et alors, hérésie suprême chez Lacan, qui s'est quand même inspiré de Lévi-Strauss, encore qu'en 1938, il a fait les complexes familiaux, et il était déjà sur la pente d'un structuralisme qui n'était pas encore à jour. Mais quand Lévi-Strauss a sorti les structures élémentaires de la parenté, Lacan, qui se trouvait quand même un peu seul à parler de tout ça, il s'est jeté dessus en se disant « Enfin, je vais avoir un soutien. » Parce que Lévi-Strauss avait défini les structures élémentaires de la parenté qui était assez strict, qui organisait à la fois l'interdit de l'inceste, qui est le seul universel, hein, le seul universel, c'est l'interdit de l'inceste. Dans toutes les civilisations, il y a un interdit de l'inceste. Ça ne veut pas dire papa, maman, Oedipe. Oedipe, c'est une légende de notre civilisation, mais dans d'autres civilisations, les gens disposent d'autres types de mythes qui signifient que quelque part, il y a un interdit de l'inceste. Et l'interdit de l'inceste, ce n'est pas du tout, comme on le croit, le fait qu'il ne faut pas coucher avec la mère. La preuve, c'est que Oedipe, il le fait. Il le fait, il ne sait pas que c'est sa mère, mais quand même, pendant quelques temps, ça lui réussit pas trop mal. Après, ça commence à aller mal, parce que forcément, petit à petit, comme Oedipe, il est dévoré par le désir de savoir, il veut absolument savoir ce qui se passe. Et en fait, c'est pas tellement qu'il découvre qu'il a couché avec sa mère et qu'il a eu des enfants d'elle, parce qu'après tout, il y est pour rien, lui. Il a été abandonné, il a été adopté par des gens, et un jour, quelqu'un vient lui annoncer, tu sais, ton destin, c'est que l'oracle de Delphes l'a signalé, un jour, tu tueras ton père et ta mère. Donc, pour pas les tuer, puisque c'était ses parents adoptifs, il est parti. Donc, c'est à son insu que ça se passe, tout le truc. Hein. Coucher avec l'inceste, ça veut dire que si l'enfant ne peut pas se dégager de la langue maternelle originaire, c'est-à-dire de ce que lui a transmis la mère, en lui apprenant à parler au départ, hein, à partir de sa propre lallation, eh ben, il peut pas aller plus loin, il peut pas introduire les coupures, et c'est ça l'inceste. Ça veut pas dire qu'il couche avec sa mère, parce qu'un petit bébé, quand même, avant 6 mois, il a du mal à coucher avec sa mère. Hein. C'est pas du tout pareil que l'inceste père-fille, qui suppose de se passer un peu beaucoup plus tard, qui n'a pas les mêmes effets de ravage sur les sujets. C'est pas tout à fait le même dispositif. Alors, on en arrive donc à cette fameuse construction à partir d'une matrice. Lacan fait une hérésie. D'une part, parce que par rapport à la définition originaire de la structure chez les structuralistes, c'est-à-dire faite d'éléments covariants qui s'interagissent, il introduit une faille ici. Donc c'est une structure ouverte sur le réel, c'est une structure du réel et non pas du symbolique, même si c'est un montage symbolique. Il va faire l'hérésie d'inscrire aussi des lettres à cette place-là, des monades. Mais des monades qui vont se déplacer. Donc c'est l'écriture dans une matrice. Il y a une écriture bivoque. Il y a d'une part les places qui sont toujours les mêmes et des termes qui vont tourner. Hein, et qui, quand ils tournent, forcément, vont peut-être pas changer de valeur, mais vont quand même changer de fonction. Et on peut dire aussi de valeur. Alors, il y a changer de nom, puisque ça donne des noms. Changer de nom aussi. Non, à la limite, même pas. Il y a des fois, c'est la paix. Oui, non, il y a mais parce que ça, c'est des précisions. C'est des précisions. Oui, c'est vrai que tu peux dire comme ça. Mais c'est surtout, ça change de fonction, et bien sûr un peu de nom, mais en même temps, ça conserve sa valeur d'origine quand même. Il va dire qu'on ne peut, on ne peut en écrire que 4. Hein, on ne peut pas faire autrement. Et puisqu'on a orienté la structure, on ne peut, bien entendu, inscrire que 4 lettres selon une gyrie, soit progrédiente, soit régrédiente, qui va lui permettre de développer les fameux 4 discours qui sont là-haut. Est-ce qu'on voit mieux avec ça? Non. On voit mieux là-haut? Alors, vous voyez, à l'origine, on va partir à l'origine. À l'origine d'où il est parti, en fait, c'était le discours du maître. Le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas. C'est pour ça que Lacan assimile le discours du maître au discours d'inconscient. C'est lui qui instaure le refoulement originaire concernant le sujet et la constitution de l'inconscient. C'est ça le discours. Le discours du maître, c'est le discours de l'inconscient. Mais alors, il faut faire très attention avec cette histoire de le discours du maître, comme pour tous les autres discours qu'il nomme. C'est un génitif, disons, objectif. Ça ne veut pas dire que dans le discours du maître, que le maître tient le discours, mais il doit s'y tenir. C'est-à-dire qu'il doit s'y tenir selon la définition même de l'éthique de ce discours, qui répond à une certaine logique. Parce que le premier sujet dans le discours du maître, c'est le maître lui-même qui est dans cette position de celui qui est barré par la loi, puisque c'est lui qui incarne la loi, hein, le monarque, et puis ensuite l'État, et tout ce qu'on voudra. C'est la parole fondatrice. Donc, voilà, premier discours qui est là. S'engendre par rotation des flèches, par rotation des monades qui sont ici, ce qu'il appelle le discours universitaire. Pareil. C'est-à-dire que... Non, c'est par progrédient. Tu l'as fait par régrédient, toi. Hein. Bon, j'aurais pu le partir par là. Donc, vous voyez que là, le S2 qui était là, il vient là, en position d'agent, alors qu'il était produit... Il était déterminé par le maître. Le maître, il commande. Il dit à son esclave, tu vas me fabriquer un canon. Et comme l'esclave, il est esclave, parce qu'il sait faire des canons, on ne l'a pas zigouillé après la bataille, on le garde vivant pour qu'il construise des canons. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc vous voyez, le savoir, dans le discours universitaire, c'est un savoir qui est commandé par le maître. Viens à la place ici, par rotation des l'objet petit a qui est ici, qui est donc l'être du sujet, ce qui reste du sujet, parce que tout du sujet ne dépend pas du signifiant. Il y a un reste. Ensuite, on continue à faire... Donc pareil, le discours de l'universitaire, c'est pareil. L'universitaire, il est soumis à la condition de l'éthique de ce discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le savoir qu'il enseigne, ça ne doit pas être n'importe quoi. l'universitaire, quand il enseigne, il doit donner à ses étudiants des garanties que son savoir, ça tient la route et que ça a une place dans le réel. Hein, c'est pas ce qui se passe en psychologie en particulier, parce qu'en général, ce qu'on enseigne comme psychologie, qui a sa valeur propre. La psychologie a des structures qui sont vérifiables dans le réel, on peut le dire comme ça, ne serait-ce que par le nombre, par les unités de valeur, les choses comme ça. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi quand on est dans une position d'universitaire qui respecte son discours et qui a une éthique. On n'enseigne pas n'importe quoi aux étudiants. Moyennant quoi, l'étudiant, lui, objectita à la place comme ça de l'autre, c'est un peu, si vous voulez, c'est quand même un sujet un peu débile, puisque quand il vient à l'université, il est considéré comme un ignorant absolu, même s'il a eu son bac, et qu'on va en profiter, puisqu'il est quasiment vierge, pour lui injecter des signifiants de façon à ce qu'il devienne enfin un sujet barré par le savoir, c'est-à-dire bardé de diplômes, bardé d'unités de valeur. Et si c'est un bon étudiant, il va faire une thèse sous la férule d'un maître, et il va produire une thèse qui va être connue à l'université comme une espèce de synthèse, et il va rentrer comme dans le discours universitaire, pareil, voyez ici. Et en fait, on arrive, alors c'est ça qui est important, toujours par cette fameuse rotation ici, on arrive au discours analytique, d'où s'origine en fait la découverte de ces structures des discours. C'est-à-dire, le discours analytique, c'est à partir de lui, discours suffisamment développé dans un moment de l'histoire, qui était l'émergence de la science moderne. Ça a commencé avec Descartes, surtout ça. Ça ne vient pas que de Socrate, parce que du temps de Socrate, la science, l'épistémée, elle avait un rapport avec la vérité. La coupure s'est faite avec Descartes, qui a dit, attention, la vérité, le discours, le savoir dépend d'une logique du discours. Quant à la vérité, c'est Dieu qui s'en charge. Ça veut dire quoi ? 2 et 2 égale 4, c'est comme ça. Et si c'est vrai, c'est Dieu qui le décide. Et on a découvert après Descartes qu'il y a des fois des logiques qui disent que 2 et 2, ça ne fait pas 4, ça peut faire 3 ou plus. Hein. Bon, tu vas intervenir. Donc c'est à partir de ce discours-là qu'a été découvert, comme je vous l'ai dit au départ, la matrice des discours. Mais rétroactivement, bien entendu, la construction des autres discours a pu se faire à partir de cette matrice. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les discours tels que Lacan les a élaborés comme étant une suite d'émergence historique. C'est pour ça qu'il va pouvoir dire, par exemple, que Socrate ou éventuellement Périclès, ils avaient quelque chose de l'analyste. Car ils pouvaient dire des choses juste sur le réel en termes d'interprétation. Pas en termes d'ordre, mais en termes d'interprétation. C'est pour ça qu'on peut dire, effectivement, retrouver chez les philosophes des précurseurs des thèses de Lacan ou de Freud éventuellement. Mais vous voyez bien que dans cette construction, je suis passé que par des articulations purement mathématiques. Ça a sa force, ça aussi sa faiblesse. Mais voilà la construction. Hein. On en arrive là. Alors on va arriver après à celui-là. Voilà, avant d'arriver à celui-là, pour essayer encore une fois de l'illustrer un peu par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, donc on voit que le signifiant, ici S1, représente le sujet qui est en dessous, qui est en position de vérité, c'est un sujet barré. Donc c'est là que ça part. Pour un autre signifiant qui ne le représente pas et qui produit un reste, un excrément. Donc l'objet ptita. Donc ça, vous avez vu peut-être dans la vidéo de Patrick où en coupant les anneaux de Möbius, on arrive à la chute de l'objet ptita. Où on ouvre un plan projectif. Ça, c'est imparable. Ici, nous sommes dans l'origine des discours. Il faut qu'il y ait un discours maître, parce qu'il faut qu'il y ait une parole fondatrice. Tu es ma femme, tu es mon maître, etc. Tout ça, c'est une parole fondatrice. C'est-à-dire que c'est pas forcément... Quand on dit le discours du maître, c'est pas le maître qui tient un discours, c'est comment le sujet est pris dans un discours a priori. Donc, on voit qu'il y a la production de quelque chose en trop, qui résiste, comme le cadavre de tout à l'heure dans la chaîne d'assemblage des voitures. À partir de là, deux discours vont essayer de venir à bout de cet excrément, de ce produit supplémentaire, de ce truc qui est gênant. Donc, on a le discours universitaire qui va le prendre comme objet d'étude et qui va essayer, en tant qu'objet d'étude, l'étudiant présupposé stupide par le grand maître universitaire qui va apprendre tellement de choses à cet étudiant, donc pour le transformer en sujet barré, mais ce qui est là refoulé cette fois, c'est ça, c'est-à-dire que la place de la vérité, là, elle est occupée par un signifiant maître. Ça veut dire que derrière, il y a la science. Aujourd'hui, dans toutes les universités, ce qui est occulté, c'est ça, c'est au nom du savoir objectif, université, on travaille pour des laboratoires, on travaille pour des centres de recherche financés, c'est-à-dire du business, de l'économie, etc. C'est-à-dire, ça, c'est passé sous silence qu'en position de vérité, là, il y a S1. Donc, première tentative de venir au bout de l'objet petit a, on n'y arrive pas. Deuxième tentative, c'est pas chronologique, c'est simultané, le discours de l'hystérique. C'est-à-dire le discours de l'hystérique, en fait, il se place en sujet barré. Mais qui suis-je? Et qui es-tu, toi, pour me dire qui je suis? Tu me dis qui je suis, mais qui es-tu pour me dire ça? Donc, ça s'adresse au signifiant maître, et ça produit un certain savoir. Mais ce qu'il y a dessous, c'est la position de l'objet petit a. Le discours de l'analyste, lui, c'est le plus subversif de tous, parce que après Patrick va vous faire le discours capitaliste pour qu'on voit bien dans quoi on est pris aujourd'hui, c'est que le discours de l'analyste, il se met lui-même directement en position d'objet petit a. C'est-à-dire qu'il est l'objet chu, le corps, le déchet, là, le rien. Et à partir de là, et bien sûr, il incarne la possibilité de retrouver du réel dans le discours. Parce que sinon, c'est du blabla, c'est de la tchatche. Ça parle métonymiquement tout le temps, mais il n'y a pas de réel. Or, le psychanalyste, en se mettant à cette place-là, il convoque le réel du sujet. C'est en ça qu'il y a rectification des rapports du sujet au réel. Et effectivement, on est fondé à dire que le discours de l'analyste vient en dernier. À partir de quoi il éclaire les autres discours qui étaient déjà là précédemment, mais dont on ne pouvait pas mettre en mathème et en forme comme ça, mais ils étaient déjà là en train de fonctionner. Donc, et aujourd'hui, le discours de l'analyste, c'est ce à quoi on aimerait vous amener, c'est la seule manière, et Patrick vous expliquer pourquoi, de nous situer correctement pour penser dans quel type de discours nous sommes pris. C'est-à-dire le discours capitaliste, dont la soi-disant gauche représente l'armée la plus zélée. Hein, c'est-à-dire que c'est eux qui font tous les trucs vraiment du discours capitaliste, notamment la négation de la différence sexuelle. Donc, voilà. Alors, donc je continue, je finis ça. Vous voyez bien que, pareil dans l'éthique de la psychanalyse, l'éthique. C'est celle qui définit à l'analyste ce que lui doit faire dans la cure. On ne demande pas à l'analysant d'avoir une éthique. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut prendre une analyse des canailles. Parce qu'il paraît qu'il y a un gain d'après Lacan, c'est qu'on arrive à les rendre bêtes, donc c'est un progrès. Quand ils sont trop malins, ils peuvent faire beaucoup plus de dégâts. Bon, en tout cas, voilà, une éthique de la psychanalyse qui est liée au fait tout simplement que le savoir inconscient, c'est le savoir de l'analysant. L'analyste, lui, il n'est que le tenant lieu. Hein. Il ne fait pas semblant, c'est pareil. C'est pour de vrai qu'il est là, avec son réel à lui. Et si l'analyste, il n'est pas analyste, il ne tiendra pas longtemps à cette place-là. Hein. Parce qu'immédiatement, il va glisser dans une position de maîtrise, et il va faire de la suggestion à l'analysant, qui ne va pas s'y tromper, qui va mettre du temps à s'en apercevoir, mais ça donne des effets à long terme assez désastreux pour un certain nombre d'analysants, hein, qui font l'expérience de ce qui a pu leur arriver dans la vie, et des fois, ça peut les avoir emmenés loin, et de nombreuses années dans des voies de garage assez graves. Bon, enfin, les derniers discours qui est intéressant, c'est-à-dire que, c'est ça qui me paraît très important, c'est que Lacan articule ce discours hystérique dans la série complète comme ça. C'est très intéressant parce que ça répond à deux questions. Ça dépend d'une part, comme il l'a dit, la psychanalyse ne peut pas être un symptôme puisqu'elle a un discours. Hein, parce qu'il le disait dans la troisième, est-ce que la psychanalyse est un symptôme? Il ne répond pas à la chose. Et puis il va dire non, c'est l'analyste qui est un symptôme, c'est les normal. Analystes. L'analyste a des symptômes, bien entendu. Il est comme tous les sujets. Mais il faut qu'il. Au moins, on peut exiger qu'il sache un peu y faire avec les siens. Bon. Donc, ce n'est pas un symptôme puisqu'il y a un discours. Mais vous allez voir que le truc est pareil. S'il y a un discours de l'hystérique, ça veut dire que l'hystérie n'est pas une névrose. Et ça, Lacan le dit explicitement. Hein. C'est même un discours particulièrement riche, parce que l'hystérique, elle, justement, elle, les hommes aussi, c'est pareil, les hommes aussi sont hystériques, elle se pose la question centrale d'interroger la jouissance comme un absolu. C'est-à-dire que vraiment, ce qui les occupe dans la vie, c'est le bonheur, et donc une jouissance absolue qui serait à l'horizon, c'est ça qui est fondamental. Pas une névrose, c'est très important ça. Hein. La question que se posent les hommes depuis le début de l'humanité, c'est la question que se pose l'hystérique, qu'est-ce qu'une femme pour un homme? Et même chez les homosexuels, c'est pareil, et des fois ils vont plus loin que ceux qui sont hétérosexuels, puisqu'ils sont identifiés souvent en position féminine par rapport à leur partenaire. Donc c'est pas une question de l'organe qui est posée, c'est une question de la subjectivité, parce que d'être sujet divisé, c'est en quelque sorte c'est une féminisation de son être, en gros. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ce n'est pas l'identification au phallus, qui est de toute façon toujours un semblant, mais c'est d'être féminisé par le fait même de la castration. Voilà. Alors, voilà les quatre discours. Il s'est passé un truc que Lacan a pointé. Alors, il parlait du discours capitaliste, et jamais personne dans son entourage de séminaristes, on pourrait dire ça, n'arrivait à dire quelque chose sur ce discours capitaliste. Alors, Lacan précise bien qu'il y a des variantes, hein, ça c'est les quatre, c'est la matrice des quatre discours, mais il y a des variantes, parce que tous les maîtres ne sont pas les mêmes, tous les universitaires, il y a des variantes d'universitaires, il y a des petites variantes, il y a des variations, mais la structure est toujours la même. Lacan va dire une chose, il va dire que il va prendre ça par le biais du discours de la science. Il va dire qu'il s'est passé un truc. Du fait de l'émergence de la science moderne, que, en gros, la science est venue prendre la place des philosophes et a proposé au maître son savoir, moyennant finance, en gros. Quoi. C'est-à-dire, moi, je peux vous fabriquer des bombes atomiques, mais il faut me donner de l'argent. Et petit à petit, bien entendu, les maîtres sont tombés, les maîtres, donc, ce qui ont existé avant la création de l'État, sont devenus. Les obligés des savants. Et ça continue encore maintenant. Donc, c'est produit une perversion du discours du maître, parce qu'après tout, le discours du maître, il avait une certaine rigueur. Quand on était un maître, on risquait sa peau, et ça pouvait entraîner très loin. Il y avait quand même une culture de la responsabilité. Quand un ministre déconnait, prenait l'avion pour aller voir un match de foot, il était zigouillé le lendemain, des trucs comme ça, vous voyez. C'est très important. C'est-à-dire qu'on est dans une civilisation où il y a de plus en plus une propagation d'une politique de l'irresponsabilité. Hein. Une femme prend des taxis à nos frais et on la recase ailleurs sans problème. Le vulgaire picus, souvent, lui, au contraire, il est maltraité. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils sont irresponsables tout le temps. Tout le temps, ils changent, c'est pas les mêmes. Ils tournent en rond, c'est le turnover. Donc, il s'est produit du fait de ce discours hystérique que Lacan va assimiler comme étant un des piliers du discours de la science. C'est pour vous dire pourquoi il ne fait plus du discours hystérique simplement le discours d'un névrosé. Parce que le savant, identifié au discours de l'hystérique, qui est là, c'est un sujet qui invente des signifiants maîtres, qui invente des objets, qui invente ce qu'on appelle des symptômes, même les gadgets éventuellement, dont on a parlé dans la troisième, au prix de son être. C'est-à-dire que le vrai savant, il met sa peau en jeu. Et ça produit un savoir qui va pouvoir fonctionner là où il était. Ce discours-là, si vous voulez, va produire, et alors il a un pied comme ça là-dedans, et l'autre pied dans la science moderne, c'est le discours universitaire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de science si on ne participe pas aux grands ensembles que sont l'INSERM et les Saclay et compagnie. On ne peut plus inventer si on ne dispose pas des machines qui permettent de faire des expériences pouvant faire vérifier les formules qu'on a inventées. X, par exemple, qui a inventé son fameux boson, il y a une cinquantaine d'années, avait fait un calcul en disant il y a une particule qui existe, elle est calculée, il a fallu attendre 50 ans et le fameux cyclotron pour qu'il puisse prouver que sa théorie était juste. Donc vous voyez que la science ne procède pas non plus par empirisme, elle procède d'abord par articulation de logique de discours et elle vérifie que ces discours tiennent la route par des expériences. C'est l'inverse de ce qu'on pouvait penser. Alors comment on se retrouve? Alors se produit ce qu'il appelle Lacan une copulation entre le discours de la science et le discours du maître, une perversion du discours qui apparaît ici. Il s'est passé ici, il articule ici ce fameux discours. Il s'est produit que dans le discours du maître, il y a une inversion qui s'est produite. C'est-à-dire qu'entre le sujet du signifiant et le signifiant maître, il y a une relation symbolique qui tient la route. Mais si on produit cette inversion, on appelle ça une perversion parce qu'une relation symbolique est remplacée par une relation imaginaire. C'est-à-dire qu'il s'est produit cette bascule, là, ici, que vous voyez, avec la flèche qui part dans un autre sens. Ça, c'est l'instrumentalisation du langage. Plutôt que d'être parlé, c'est penser, instrumentaliser le langage. Dans toute la novlangue, c'est-à-dire inventer de nouveaux mots pour décrire des situations, ça, c'est cette perversion-là. Voilà. C'est-à-dire, on pense qu'on c'est nous qui instrumentalisons le langage. Au lieu d'être en position de sujet et de se déterminer comment nous sommes nous-mêmes pris dans le langage, on s'imagine que nous instrumentalisons, on en fait ce qu'on en veut. On veut féminiser les noms, changer de nom, appeler ça le ministère du redressement productif. C'est Orwell, c'est 1984. Ça, c'est la perversion, justement. Alors, c'est ça qui s'est produit, c'est-à-dire que l'inversion, il faut bien la repérer là. C'est donc une rupture de la structure des discours. Ce qui fait que ce qu'on appelle le discours capitaliste, c'est un discours qui n'est pas un discours, c'est un paradiscours. C'est pour ça que Lacan dit que dans ce discours-là, on est tous prolétaires. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des ouvriers. La définition, c'est celle de Marx. Oui. Que nous n'avons plus de discours pour faire lien social. C'est pour ça qu'alors, sur la périphérie, mais même au centre, c'est la montée des religions. Parce que les êtres humains, ce sont des êtres religieux, tout simplement parce que, comme tout sujet, on cherche des liens sociaux. Et quand on n'a plus la disposition du discours du maître pour se tenir, eh ben, les gens se tournent vers les religions qui leur donnent du sens. Hein, sinon, voilà, c'est pour ça qu'il y a une montée des religions dans nos sociétés et avec les conséquences que ça pourra avoir, comme on les voit apparaître. Donc vous voyez cette inversion, parce que le sujet du discours capitaliste, il s'écrit apparemment comme le discours hystérique, et vous remarquerez que dans le discours de la publicité, c'est une hystérisation de notre rapport au monde. On vous fait rêver, et d'ailleurs ces gars-là disaient qu'on vous vend du rêve, en gros on vous vend des fantasmes prêts à porter. Donc ce discours-là, le sujet se prend le maître du signifiant, alors que il est plus maîtrisé par la langue, c'est lui qui invente la langue. Donc la novlangue qui distribue des espèces d'aphorismes ou de slogans qui ont des signifiants absolus. Alors ça, c'est à la limite de la perversion, mais aussi de la psychose. Ça n'a aucun sens. Le développement durable. Qu'il y a de lapin. Il y a encore autre chose. Qu'est-ce qu'il y a Tout, la réalité augmentée. Oui, la réalité augmentée, c'est ça. La simplification administrative. Des trucs comme ça, et on gobe ça, dit oui, c'est vrai, on est d'accord, on a compris, ça veut rien dire, mais ça renvoie pas à un autre signifiant. Vous voyez, les trucs comme ça, ça fonctionne comme ça, donc ça partialise le monde et tout. Alors voilà ce discours qui a une propriété particulière que je vous montre maintenant. Vous avez vu que dans tous les autres discours, on fonctionne comme ça, avec un point d'origine. Celui-ci, il part de là, il ne part pas de là, il part de là, et il tourne comme ça, en boucle. C'est un 8, comme ça. Et donc, il ne rencontre jamais aucune butée de l'impossible. Aucune donc, il n'y a pas de réel. Il n'y a pas d'impossible comme réel qui fait qu'à un moment donné, alors là, on peut plus avancer. On peut plus délirer. Et si on veut aller là, il faut y mettre de sa peau, en gros. Donc voilà, c'est ça, qui fonctionne comme ça. Voilà, c'est ce discours-là. Alors, moi, je pense que j'ai fini la démonstration. On peut peut-être en parler un peu. Oui, voilà. Alors, ça, si vous retenez simplement cette petite logique des petites constructions au départ, vous serez tous capables de les faire à un moment donné. Ça ne repose sur aucune réflexion, je ne réfléchis pas du tout. Je suis un mouvement logique qui fonctionne comme ça, et c'est comme ça. Voilà. Vous pouvez le reproduire, vous, comme vous voudrez, quand vous voudrez. Et ça permet, c'est un outil qui permet de effectivement, poser des questions politiques dans les sociétés, dont une, en particulier, que je vais pointer ici, je ne vais pas donner tout à l'heure. Voilà, dans ce discours-là, vous remarquerez que la position du sujet, il l'emprunte au discours hystérique. La position du signifiant maître, il l'emprunte au discours universitaire. Et la position du savoir, il l'emprunte au discours du maître. C'est-à-dire que ces trois discours-là collaborent ensemble, par copulation, avec le discours capitaliste. Le seul discours qui échappe à cette catégorie-là, c'est le discours analytique, qui ne partage aucune des lettres avec le discours capitaliste dans leur ordonnance comme ça. Et l'autre chose, c'est que, effectivement, dans le discours analytique, ce qui est produit dans l'analyse, ce sont les signifiants maîtres auxquels le sujet était assujetti, qui lui permet de récupérer sa donne. Il n'y a pas de plus-value. Et alors, dans le discours analytique, la plus-value, elle lui est rendue. L'analyseur récupère sa plus-value. C'est le seul discours qui récupère sa plus-value. Voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en sous-bassement, le discours capitaliste ne supporte pas le discours analytique. Parce qu'ils savent que de ce côté-là, il n'y a rien à récupérer pour eux. Alors, et c'est beaucoup plus prégnant qu'on peut l'imaginer. C'est une chose qui est ressentie de cette façon-là. Et voilà un petit peu d'où ça part. Maintenant, comment sortir de là, c'est une autre affaire. Voilà, c'est de tenir. Alors, Lacan, effectivement, il pense que ça ne bougera pas, mais enfin, il donne un petit espoir. Il dit, de toute façon, le discours capitaliste, il consomme tout, et il va s'effondrer de lui-même, parce qu'il engendre le sous-développement. Et ça, vous le voyez sur la planète, c'est non seulement un sous-développement économique, bien sûr, c'est obligatoire, mais c'est un sous-développement subjectif, puisqu'il ne produit pas des sujets, puisque le sujet lui-même, dans le discours capitaliste, se produit comme déchet. Nous nous faisons nous-mêmes les déchets du discours dans lequel nous fonctionnons, c'est vrai. C'est quand même un truc assez terrible. Déchets ou corps. C'est-à-dire, vous êtes considéré comme des corps. Les neurosciences, par exemple, ils font des expérimentations sur les rats, mais il y a certains psychanalystes, enfin, soi-disant, je ne peux pas vraiment les prendre au sérieux, ces gens-là, qui disent que les neurosciences prouveraient la psychanalyse. Comment peut-on être autant dans l'absurdité et la contradiction inhérente, puisque ce sont des discours radicalement incompatibles et même antagonistes. Donc, la grande confusion dans laquelle on est pose la question de comment faire pour lutter. Donc on revient, j'ai dit à la répétition. Donc la lutte, suivant la définition étonnamment pertinente qu'en donne Paul, c'est « car pour nous la lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les cosmocrates, cosmocratoras, de ce monde des ténèbres, et contre les esprits mauvais qui sont dans les cieux. » Donc ça veut dire contre les effets de langage. On n'a pas d'autre possibilité de lutte que d'analyser les langages eux-mêmes. Et comment, sur ces matrices-là, on peut s'en tirer en identifiant à quel type de discours on a affaire. Déjà, le premier truc, c'est ne pas les nourrir. Ne pas nourrir le discours capitaliste. L'indignation, c'est du pain béni pour le discours capitaliste. Ça vient créer le contrepoint nécessaire et indispensable à ce que ça continue encore et encore. Donc il y a un retrait. C'est un peu la politique de Melville, de « I would prefer not to ». C'est un pas de retrait vis-à-vis de ça, et une écoute de ce qui est en jeu. On n'est pas convoqué à une action, on ne va pas prendre la Bastille. D'ailleurs, vous avez vu l'Opéra Bastille, c'est imprenable. Hein. Maintenant, on glisse dessus. Donc, il y a juste comment peut-on avoir les moyens de penser la situation pour chacun de nous. Et donc, ça, c'est ma thèse, donc du Marx avec Freud, Freud avec Marx. C'est-à-dire que on n'est pas dans l'idée d'une révolution, même si je me dis communiste, mais communiste, c'est pour moi le nom d'un problème qui se pose et pas le nom d'un programme à exécuter. C'est le nom du problème des communs, de ce qui est commun à l'humanité et qui est toujours plus privatisé. De plus en plus, c'est privatisé. Maintenant, votre corps, vos propres gènes sont privatisés et personne ne bronche. Donc ça veut dire que le discours fonctionne super bien puisqu'il n'y a aucun... Ça n'a pas d'effet sur les sujets. Il n'y a rien eu. C'est une loi qui vient de passer, votre corps est privatisé. Vous pouvez être fliqué à tout moment, maintenant, comme ça. Un flic dans son administration peut décider de vous mettre sur écoute et d'écouter tout ce que vous dites. Eh bien, il est dans la loi. C'est quand même aberrant. Donc voilà dans quelle situation nous sommes, ce qui veut dire que le discours capitaliste fonctionne de manière très huilée. Ça n'arrête pas d'osciller comme ça, ça recycle lui-même ses propres contradictions, c'est-à-dire qu'il fait de ses contradicteurs ses propres alliés et associés. Et donc, quand je dis pas de Freud sans Marx et pas de Marx sans Freud, c'est parce que, justement, la révolution, elle est d'abord une révolution intérieure. C'est la révolution du sujet. Avant d'être une révolution collective, c'est de pouvoir former un collectif. Mais cette fois, départ des assorties. C'est pas au nom d'une bannière ou de je sais pas quoi, c'est de se retrouver parce que chacun de nous aura fait le travail pour soi de sa propre division subjective, de la sumation du manque constitutif de l'objet petit a, de ne plus être sans arrêt à vouloir combler ce manque dans la quête du bonheur, etc. Non, il y a une révolution d'abord intérieure à mener, dont est porteuse le discours analytique. À partir de là, quelque chose peut changer, effectivement, dont nous ne sommes pas maîtres. Mais ce qui s'est déjà produit dans l'avènement, évidemment, aujourd'hui, être chrétien, c'est la pire abomination qu'il peut y avoir hein, sur Terre, être chrétien. Mais on oublie quand même que l'avènement chrétien a renversé l'Empire romain, le minant dans ses profondeurs, et l'Empire le plus puissant existant sur Terre a été miné et complètement renversé. Donc aujourd'hui, l'inconscience et la politique, ça ne veut pas dire qu'on va descendre et former des partis politiques et rentrer dans une espèce d'opposition stérile, puisqu'on a vu que le discours marchait très bien. Mais il y a une possibilité d'être dans la promotion, dans l'incarnation même, on n'a pas d'autre manière de faire, on n'apprend que par l'exemple. Donc du discours de l'analyste, c'est-à-dire de ne pas nourrir les autres discours, et le discours capitaliste qui est lui-même la perversion dans laquelle nous sommes pris. Donc c'est une impasse, mais en même temps riche de possibilités. En tout cas, nous avons d'autres moyens que des solutions apparemment toutes faites qui sont de toute façon vouées à l'échec, on voit bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des réponses ? C'est conçu comme dit Lacan, pour épuiser la planète, la consommer et la consumer intégralement. C'est-à-dire que vous imaginez, je ne sais pas si vous avez vu ces images dans les déserts où il y a des milliers de carcasses d'avions comme ça. C'est des images très très impressionnantes. C'est-à-dire que le fait de se produire soi-même comme déchet ici fait que nous-mêmes nous sommes identifiés aux objets que la société produit. Toujours plus d'objets à produire, toujours plus de déchets. Et nous sommes nous-mêmes des déchets, puisque notre corps est un déchet qu'on peut tronçonner, on va mettre la gestation pour autrui, c'est ça. Hein, une femme va louer son utérus, voilà, c'est une partie d'elle-même, comme c'est une fonctionnalité, c'est absolument aberrant. Parce que ça veut dire qu'il y a une dimension économique là-dedans. Il y a des gens, des populations extrêmement pauvres, qui ne vont pas pouvoir faire autrement que de vendre des parties de leur corps. C'est ce qui se passe. Mais oui, mais oui. Et à part ça, la gauche, la bouche en cœur, oh, il a cédé sur la GPA. Non mais c'est... On peut pas, il n'y a plus de possibilité de parler. Vous voyez bien, sinon c'est... Puisque l'opinion est faite pour... Si vous n'êtes pas pour, vous êtes contre. Si vous êtes contre, vous êtes pour. Non, ni pour, ni contre. Au contraire. C'est-à-dire, on sort de cette possibilité-là fermée pour entrer dans, justement, cette matrice des discours qui, après, va être encore travaillée par Lacan, notamment avec la notion du passage du symptôme au symptôme, hein, c'est-à-dire comment, justement, le reste que nous sommes doit-il être traité sur le mode de l'identification. On est obligé de s'identifier à notre symptôme. Mais, en tout cas, passer par là pour aider à réfléchir de manière un peu plus, contemporaine, notre situation, puisque ça a quand même 70, donc 45 ans. C'est rien du tout, ça. Dans l'histoire de l'humanité, c'est rien du tout. 45 ans. Mais donc, c'est implacable. Je vais poser un truc très simple. 1905, Freud, il écrit les trois essais, et au point d'une page, personne ne fait attention, il dit, il y a des normes sociales, mais il n'y a pas de normes sexuelles. Vous vous rendez compte un peu le truc que ça représente? Ça représente avec le discours hystérique, mais attention, l'hystérie, c'est pas une névrose. C'est normal, c'est même le fondement de la subjectivité. Hein, des choses comme ça, quand vous allez, quand vous interrogez la psychopathologie, enseignants, facultés, vous leur dites, mais ce que vous racontez, c'est faux, les gens sont pas malades. Les gens, ils souffrent, et s'ils souffrent, c'est une plainte de la vérité. Et vous entendez ça comme une maladie, alors que non. La dépression décrite comme une maladie, c'est en fait une protestation du sujet qui dit « moi c'est fini, je travaille plus ». Burn-out, comme on dit. Hein. Eux, ils l'entendent sur le plan de la maladie, mais le sujet dit « je ne veux plus au boulot, moi c'est fini, je ne peux plus ». Bien sûr qu'il le paye cher, parce qu'on va le bourrer de neuroleptiques pour l'endormir, bien sûr, hein, on ne le soigne pas. Mais tout ça, c'est des choses qui ont des effets... c'est un discours... On peut le dire chez Lacan, il l'appelle d'ailleurs. Il dit, il faut se mettre au service du discours capitaliste pour lui servir un discours pesteux, hein, au sens où Freud le dit, pour introduire la peste dans les discours, des termes, des approches, des savoirs officiels, sur un mode tel que les gens peuvent peut-être un peu plus les entendre, et les entendre mieux qu'on peut l'imaginer. Les sujets sont plus aptes à entendre des choses... Quand on les touche à ce niveau-là, et qu'on leur donne des moyens, je dirais pas conceptuels, parce que c'est à la portée tout simple, il suffit de parler. Pour faire de la topologie, il faut parler, c'est tout. Enfin, c'est pas la peine de faire des schémas. Quand on parle, on fait de la topologie. Seulement, vous savez bien que partout, on ne peut plus parler. Hein. Même pour faire un renouvellement de passeport, vous ne parlez plus maintenant. Avant, on parlait un peu quand on allait à la mairie. Maintenant, vous arrivez avec un papier que vous êtes allé chercher sur le site du machin. Vous avez payé votre... Je le dis parce que j'ai fait l'expérience récente du truc. Ensuite, vous allez chercher... vous payez le ticket, machin. Vous faites une photocopie de votre ancien... Vous arrivez à la mairie, vous êtes devant un guichet, puis il y a une femme qui vous dit « ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas... » Vous pouvez même plus gueuler, puisque c'est comme ça que ça se passe. Et si vous gueulez, on vous dit « non, l'ordinateur ne veut pas. » Donc, c'est ça. Vous avez bien vu qu'il n'y a plus de manifestations. Les mouvements sociaux, il n'y a plus de manifestations maintenant. Les manifestations sont devenues, elles sont constituées de telle sorte à que rien ne bouge. Puisqu'il y a un haut-parleur, à je ne sais pas combien de mégawatts et de je ne sais pas combien de trucs, qui hurle à la place des gens. Les gens, ils parlent plus dans les défilés. C'est la foire, quoi. C'est la caravane, c'est le carnaval. Tout ça, c'est là. Bon, peut-être alors on peut continuer si vous avez des questions, mais pour que la vidéo soit pas trop lourde pour le montage. Non, il s'agit pas de se déprimer, il s'agit de... Ah non, c'est une bonne nouvelle. Hein. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bien que nous puissions avoir accès à des outils qui nous permettent de questionner différemment que les fausses oppositions dont on nous serine sans arrêt. Hein, nous sommes sans arrêt soumis à des fausses oppositions. Hollande ou Sarkozy. Le fondamentalisme religieux ou la démocratie. Ce sont de fausses oppositions. C'est le recto et le verso l'un de l'autre. C'est le même système qui est servi et souvent pire encore par celui qui semble être l'adversaire. Puisque il bénéficie d'une légitimité supplémentaire. Vous imaginez le truc de flicage, si ça avait été un gouvernement dit de droite, c'est sûr qu'il y aurait eu des descentes dans la rue. Or là, il ne s'est rien passé. Mais c'est gravissime. C'est-à-dire que l'État est devenu, du temps de Feuerbach ou de Hegel, l'État, c'était une dimension absolument temporaire et provisoire qui était mise en place pour que l'homme puisse accéder à sa liberté. Aujourd'hui, l'État, il vous prend votre corps pour le vendre et il vous flique chez vous. Donc, sans aucun... Pardon ? Oui, ça, n'en parlons pas. Ça, c'est la fonction de base. Hein. C'est le dragon aux mille écailles, comme dit Nietzsche. Oui. Qu'est-ce que tu peux attendre ? L'argent. Oui, ça, c'est la bête qui nourrit. Donc, D'ailleurs, il va bientôt plus y avoir de billets de banque. Hein. Ils s'acheminent vers l'absence de billets de banque. C'est quand même un peu... Ben, toutes les cartes, les transactions monétiques, etc. Parce que c'est beaucoup plus contrôlable. C'est-à-dire qu'on met en place... 1984, quoi. C'est maintenant, le slogan du Parti Socialiste, le changement c'est maintenant, il faut remplacer le changement par 1984 et vous avez la vérité, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est ça. 1984, c'est maintenant. C'est une bonne nouvelle que nous. Mais nous, on va pas vivre. Ben, surtout quand on a des enfants petits, etc. Mais on a quand même la possibilité de recourir à des outils qui nous font sortir du... C'est-à-dire, la bonne nouvelle, c'est de prendre la mesure du problème, quand même. Sinon, la mesure du problème n'est jamais prise. Elle obéit toujours au même genre de logique. Donc, elle ne peut jamais être prise. Le maître ne sait pas qu'il est maître. Il est pris lui-même dans quelque chose. Mais à l'époque d'un véritable maître, bon, ben, il risquait sa vie, au moins. Hein. Tandis que là, plus, c'est l'impunité absolue, là. Le mec qui soi-disant devait lutter contre la fraude fiscale qui avait je ne sais pas combien de comptes en Suisse, etc. Ça pose aucun problème. Où est le problème? C'est socialiste. C'est mec de gauche. En tant que sujet, il faut bien savoir. Ça déconne. En tant que sujet, oui, mais justement, le discours capitaliste produit des individus dont la dimension... Il n'y a rien qui ne s'oppose plus au sujet que l'individu, puisque le sujet, comme on l'a vu dans le tout premier, ici, le sujet, il est divisé entre le semblant et la jouissance, au départ, du lieu d'où il parle. Et donc, il ne se correspond pas à lui-même, donc il est divisé. Or, le discours capitaliste, lui, présente l'individu comme quelque chose qui est indivise, c'est-à-dire qui n'est pas divisé. C'est en ça où il y a un antagonisme absolu entre la notion d'individu et la notion de sujet. Le sujet, il naît justement avec l'hystérique, puisque l'hystérique, elle refuse de signifier en maître. Elle dit, et on peut dire que le sujet est féminin, c'est les femmes sur Terre qui amènent la position du sujet. C'est pour ça que Freud, justement, au lieu d'être dans une position de maître où il reçoit et puis il dit « Bon, je vais vous faire une ordonnance, hein, vous allez prendre ça, ça et ça », il fait l'inverse. Il dit « Et si c'était elle qui disait la vérité ?» Et donc il écoute les hystériques, parce que ce sont elles qui disent la vérité, parce qu'il y a quelque chose qui résiste à la prise totale dans le discours. C'est ce qui résiste, parce que dans le discours hystérique, c'est là, c'est dessous. C'est de ce lieu-là qu'elle parle. Donc, à partir de là, peut naître le sujet de la psychanalyse en tant qu'il est constitutionnellement divisé, constitutivement divisé. Ce qui invalide aussi, je l'ai déjà dit, toutes les gender-théories. Parce que c'est la différence entre la sexualisation et la sexuation. Le sujet est forcément a priori divisé. C'est ça ce qui arrive de nouveau avec la psychanalyse, c'est pas l'individu. C'est le sujet en tant qu'il a un inconscient. Donc, à partir de là, quand il dit « je », il dit toujours « je », qui représente en tant que sujet de l'énoncé, grammatical, son rapport avec un autre qui est inscrit dans sa propre parole. Donc, il est toujours un sujet de l'inconscient, qui est toujours divisé, déjà, a priori. Or, un individu, c'est comme si vous étiez une monade, un bloc sans division interne, alors que vous savez très bien que vous ne correspondez pas avec vous-même. Vous ne correspondez pas avec votre propre corps, ni avec votre propre nom. Vous êtes des sujets divisés. Nous sommes tous des sujets divisés. Et aujourd'hui, le discours capitaliste, c'est celui qui fait la promotion de l'individu et pas du sujet. Le sujet étant ce qui vient saper l'individu. ne pouvait pas nous correspondre. Donc il y a un travail à faire, justement, comme disait Patrick, d'assumer notre manque fondamental. Il faut arrêter de se plaindre et d'aller chercher notre manque, notre élément manquant, parce qu'on l'a déjà perdu. Il est toujours d'origine déjà perdu en psychanalyse. L'objet est toujours, a priori, déjà perdu. Donc ce n'est pas la peine d'aller le chercher pour le trouver et pour venir coller et le mettre à la place d'eux. Il est perdu. Donc c'est ça, la première révolution doit se faire de manière subjective, avant que, là, il appartient à un autre temps, à une autre époque, qu'il puisse passer un autre collectif, un nouveau collectif. C'est pour ça que Lacan comparait les psychanalystes qui se retrouvaient entre soi, c'est-à-dire comme des épars, des assortis, avec un salut, un ave, un savoir, à, on peut dire, les premiers chrétiens, c'est-à-dire de savoir qu'il n'y a pas de grand autre, que Christ sur la croix est dit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Il n'y a pas d'autre, il n'y est pas, c'est le Dieu de l'au-delà, le Dieu du ciel est mort, il faut se démerder avec. Donc on peut le prendre comme une bonne nouvelle, on peut dire « Dieu nous a fait confiance ». Il n'est plus là. C'est pas la peine de chercher et d'être attendu. Là, il n'est plus là. On doit se démerder, comme disaient les Grecs, démerdati et autou. Non, c'est une émotion. Si je peux me permettre, c'est Eli, Eli, lama sabachthani. Oui. Comme... Oui, c'est ça. Elle a dit avec l'accent araméen, ce qui est. Israël. Ah, Israël. Est-ce que les individus tombent plus malades? Ben disons, quand on rentre en analyse, on s'évite un certain nombre de symptômes qui sont notamment le fait de tomber dans des discours qui nourrissent ces symptômes. Hein? Dès que vous avez un truc, tac, il y a des mots qui sont posés dessus, etc. Vous rentrez dans un discours. Là, sortir de là, bonne chance. Hein? Tandis que quand vous êtes en analyse, que vous parlez de votre propre division, la plupart des analyses, ils se portent beaucoup mieux quand même, puisque c'est un lien social, c'est le seul lien social, simplement évidemment, il se particularise d'être un lien social à deux. C'est le seul qui est comme ça, mais c'est quand même un lien social. C'est-à-dire que face à un discours qui a rompu tous les liens sociaux, celui-là, c'est un discours qui propose un lien social, avec ses failles, avec ses difficultés, mais un lien social dont la garantie... est donné au sujet que c'est lui qui doit parler, ça c'est lui qui va pouvoir en dire quelque chose, il a son mot à dire, hein. Alors que dans ce discours-là capitaliste, ce sujet, je vous avais dit tout à l'heure qu'à chaque fois que les lettres changent de place, elles changent de valeur et de fonction, c'est que lui, le sujet ici dans le discours capitaliste, qui ressemble au sujet hystérique, en fait c'est une fallace du discours hystérique, c'est un faux hystérique. Les gens qui font de la publicité, c'est pas des hystériques. C'est autre chose, c'est des marchands de soupe, hein, avant tout, des menteurs, des tricheurs. C'est le sujet de la libre entreprise, mais on n'est jamais libre, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qui est libre? On n'est pas libre, on passe son temps, au contraire, à être contraint par des choses. Donc, ce que propose comme voie Lacan à cette histoire-là, c'est qu'il faut savoir y faire avec les choses pour pouvoir s'en passer. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment ça fonctionne, pour pouvoir faire autrement, plutôt que d'en être complètement la victime. Celui qui se plaint tout le temps, ben, il est victime, tandis que si on cherche à manier ça autrement, on peut arriver à avancer et à sortir de là. Il était très, de ce point de vue-là, Lacan, il était assez modeste. Mais il dit quand même que la psychanalyse, dans le monde irrespirable, et ça, c'est pas une métaphore gratuite quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Paris quand il y a du soleil, hein, c'est le poumon artificiel, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet de respirer un peu. Hein. C'est déjà un petit gain quand même. Hein. C'est pas beaucoup, mais c'est un petit gain. Voilà, hein. Ça commence modeste, lien social, c'est deux. Commence comme ça. Justement, par rapport à ce que vous dites, au sein du discours capitaliste, il y a quand même quelque chose qui est une idéologie libérale, qui est très en lien avec tout ça, parce que ça me faisait penser par rapport à ce que vous disiez, quand la novlangue, par rapport à celui qui se croit le maître du signifiant, justement, qui modèle les mots, alors que c'est le signifiant qui est déjà là et qui est porté par lui. Oui. Il y a justement ce truc-là dans le libéralisme qui est très. C'est justement, c'est les individus. qui ont choisi un jour de se mettre ensemble en société. C'est ça. Comme si on était des monades comme ça qui se déplaçaient et puis bon, par un contrat on a décidé de se mettre ensemble. Les contrats. Oui, contrats. C'est ça. Les fameux contrats. C'est déjà la société qui est là, la communauté on va dire, et c'est nous qui sommes dedans, qui sommes portés par ça. Oui. C'est un contrat qui vient à la place de la parole, de l'engagement de la parole déjà. Contrat, c'est pour ça que le monde est gouverné par des avocats américains, maintenant. Tout ce qui se fait, c'est, ça se passe toujours maintenant sur le registre justement juridique des avocats. C'est des avocats américains. Lacan avait prévu qu'on a été gouverné par un monde d'avocats américains, de plus en plus. Et par rapport à ça, dans l'avenir, je me demandais, est-ce que... Moi, je ne connais pas beaucoup son œuvre, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une raison de relire Castoriadis à partir de Lacan ? Castoriadis. Il s'est un peu enferré dans une impasse. Disons, il a voulu justement instrumentaliser la psychanalyse, mais sans être lui-même assez lacanien. Donc, il a une posture qui n'est pas d'être un sujet divisé. Et donc, ça, on passe d'une éthique des discours à une forme de morale, justement, de gauche, et qui est... Qui s'inscrit dans le discours comme étant récupérable par le discours capitaliste. Mais Lacan est beaucoup plus radical que ça. Il va beaucoup plus loin que Castoriadis. Puis son texte est un vrai plaisir, surtout. On n'est jamais déçu. On n'est jamais déçu. Et c'est assez rare à trouver, c'est qu'il tient toujours les promesses qu'il a faites. C'est-à-dire qu'il avance les trucs. Et il tient toujours les défis, les questions, il va aller chercher les solutions, il revient dessus, il montre où il a été, où il s'est planté, il trouve les issues. Il lui dit, quand on rencontre un obstacle, il ne faut pas s'acharner, il faut trouver une passe autrement ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que son texte, c'est pas un truc d'un bloc, c'est-à-dire que c'est des petits bouts qui s'ajustent plus ou moins bien. Alors on dit qu'il y a des contradictions, c'est pas ça. C'est que, par contre, il y a beaucoup de paradoxes. Mais ça, c'est une figure de la logique, le paradoxe. Hein, c'est nécessaire. Il y a du boulot avec ça. Hein. Bon, peut-être on va stopper l'enregistrement. Mais on peut...